Le plan d'aujourd'hui est assemblage requis. Dans la chronique technologique CNX, on parle de gadgets. Maxime Lemieux-Laramé nous fait ses suggestions de musique à télécharger. Et Vito, dans la question, fait de la radio poubelle. C'est tout de suite à assemblage requis. Oh oui! Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage requis, votre émission du retour en pièces détachées. Salut Mathieu Plante. C'est Lucky One la liberté. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui. Mais quelle belle journée qui se termine. Ben pas terminé encore, il reste encore pas mal je trouve. On est quasiment au milieu de la journée. Hein. C'est pas mal le milieu, hein? C'est pas mal le retour à la maison du tout finalement quand on y pense. Hein? Ben ça dépend à quelle heure tu tournes chez vous, d'où t'arrives, où tu t'en vas. Il y a tellement de facteurs à prendre en considération. Il y en a qui commencent la journée en ce moment. Oui. Fait qu'on vous accueille tous. Tout le monde, là, pas de discrimination. Jamais on ferait quelque chose de même, voyons donc. Parlons de l'émission d'aujourd'hui. On a plein de choses de prévues. Maxime Lemieux-Laramé va venir nous voir pour nous parler de musique à télécharger, de musique à écouter. Allez, je sais pas, moi, synthétiser sur des radios. C'est n'importe quelle radio, là, sur l'Internet, là. T'sais, des affaires online, comme on appelle. Comme les jeunes disent. Les jeunes disent ça qui est one, t'es pas au courant? Oui, je suis sûr qu'ils disent ça. Hey, on sait-tu de quoi Maxime vient nous parler aujourd'hui? En fait, oui. Oui, je sais de quoi il vient nous parler, je pense. Mais je vais vous en parler tantôt. Oui, c'est ça. Moi aussi, je savais, que tu le savais. Mais bon. Ouais. Mais bon, ça veut dire qu'on ne se l'est pas noté sur le coin de la page. Exactement, mais c'est pas grave. On revient avec ça tantôt. Là. Mais aussi, quoi d'autre? Aujourd'hui, à l'émission, tu nous parles de gadgets dans ta chronique technologique CNX. Absolument, plein de gadgets plus fous les uns que les autres. Et puis là, je pourrais même vous en mentionner au moins un dont on va parler tantôt. Un lecteur, une clé USB en forme de genre de cassette audio. C'est comme pour faire des mixtapes avec une clé USB, avec un petit papier qui se déroule comme sur une cassette. C'est vraiment cute, je vous en parle tantôt. Et puis, on va avoir une capsule de vidéo là dans la question. Qui va parler de radio poubelle. On fait de la radio trash. On va essayer d'instaurer la capsule de Vidon-Ladon à tous les jeudis. On est jeudi aujourd'hui, la dernière émission de la semaine. Donc, on se tape un peu de Vidon-Ladon la question. On se donne des bonbons. Comme ça, pour finir la semaine en beauté. Mais on va commencer la fin de la semaine en beauté aussi avec la musique d'Archigéant. Tu comprends-tu? On finit la semaine, on la commence la fin de la semaine. On commence la fin de la semaine. C'est ça. Genre... En pleine face. En pleine face. De Archigéant. C'est un assemblage requis. Sur C'est fou. 89.1. N'importe quoi, quand même. Je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. Mais ça sortait bien pareil. On se comprend. C'est comme le début de la fin et du milieu de la vie. We'll be right back. Et qu'est-ce qu'on s'en foutait sur les ondes d'assemblage requis au 89.1 FM? Oui, il est en spectacle, ben en fait, en première partie d'Ariane Moffat, hein, c'est en fin de semaine, c'est samedi le 3 octobre. Puis sinon, si vous le manquez ou si ça vous tente pas d'aller voir Ariane et que vous voulez aller voir Ludo, il revient à Shawinigan la semaine prochaine, le 10. Crème, horaire ouais. Chargé. Quand même, hein, pour un Parisien, il se tient beaucoup à Shawinigan. Ouais, ben c'est une belle place. Moi, oui. Ça avait l'air convaincant, hein, ça. Ben oui, non, mais je suis persuadé que c'est une belle place, mais je me demandais en même temps, j'avais une hésitation si vraiment c'était la destination principale des Français qui viennent au Québec. J'en doute, mais oui, c'est sûr que c'est une belle ville, Shawinigan. Oh, tu t'en es bien tiré, je peux pas dire le contraire. Là. Non, c'est ça. OK. Donc, vous êtes à l'assemblage requis jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées qui est Juan et Mathieu. C'est nous, hein, faut le dire. Oui, c'est nous. C'est plein d'autres choses aussi. C'est plein d'autres gens qui vont être là plus tard. Oui, tout plein de chroniqueurs absolument fantastiques, je dirais, à tous les jours dans cette émission. Aujourd'hui, c'est Maxime Lemulin-Ramé qui va être avec nous d'ici la fin de l'émission pour parler de nouveautés. Oui, entre autres, nouvel album de Xavier Caféine, aussi celui de We Are Wolves qui est à paraître dans quelques semaines. Et la formation Dirty Projectors. C'est ce dont Maxime va venir nous parler tantôt. Dans sa chronique télécharge, je crois. Mm-hmm. Aussi, plus tard, il va y avoir la chronique technologique CNX. On va parler de gadgets aujourd'hui. Plein de choses stupido. Ça, c'est dans quelques minutes, la chronique CNX. Mais pour tout de suite, on va retourner en musique, Mathieu. Oui, avec Damien Robitaille. Avec Damien Robitaille. Voici Homme Autonome. Ah, ça me lâcherait. Sur C'est fou, 89.1. FM. In the night. The Hidden Cameras et la pièce He Falls to Me. Ou non, attends, c'était In the NA, je pense. In the NA. Justement, ça, on avait entendu Damien Robitaille. Et puis, Damien Robitaille va faire partie de la délégation d'artistes québécois qui vont s'en aller aux Jeux Olympiques d'hiver à Vancouver. C'est bientôt, c'est au mois de février. Ils vont faire une série de spectacles sur la place de la francophonie. Donc, peut-être qu'ils vont gagner de nouveaux adeptes à travers la francophonie, à travers le monde. Ou une médaille de chanson. Peut-être. Il va y avoir Damien Robitaille, Mes Aïeux, Ariane Moffat, Pierre Lapointe, Grégory Charles. Ah! Bien sûr! Donc voilà, pour Vancouver. Il y en a pour tous les goûts. Chanceux. Vous êtes à Assemblage Requis, parlant de tous les goûts. Voici la chronique pour les gens qui ont des goûts technologiques un peu. C'est CNX. CNX, la chronique de la radio. Dash.com. Go, go, gadget the man. Yahoo, gadget the chapeau. Go, go, gadget the man. Qui c'est? L'élastico gadget. Je sais que Kiwan attendait ce moment depuis longtemps. Il aime ça entendre parler de gadgets. Les gadgets, j'aime beaucoup ça. Ah, toi qui es rempli de gadgets sur toi, t'as des pantalons cargo avec un paquet de gadgets dedans, j'en suis sûr. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Commençons avec, tiens, un lecteur USB qui sert de mixtape. Hein? C'est un bâton de mémoire, le USB, mais en style mixtape. Donc, t'as une cassette en plastique, OK, que t'ouvres. Dedans, t'as une fente pour mettre une clé USB. Et t'as le carton qui devient comme un carton de cassette audio dans le bon vieux temps, c'est sur lequel t'écrivais à la main les chansons sur ta mixtape que tu donnais à ta blonde, peut-être, comme cadeau de Saint-Valentin. Tu sais, j'ai fait une belle petite mixtape. Hein? Avec une clé USB. Fini les CD aussi, là. Il y en a qui faisaient des mixtapes sur des CD, là. C'est fini, ça, cette période-là. Fini! Clé USB. Moi, je trouve cool. Ça cool. C'est très, très beau. C'est cool. Très nostalgique. 6 différents designs. Ça vient de SOC UK. Voilà. Ensuite, jouer au poker, Kiwan. C'est difficile de dealer des cartes, hein. Donner des cartes à tes collègues, là, c'est vraiment long et pénible, tu trouves pas? Donc, un gadget qui va pallier à ce malaise. C'est un beau gadget de plastique et quand tu bouges ton pouce pour envoyer une carte, ça, il y a un petit moteur à l'intérieur ou un petit truc là, de choses, de cossin là. Et ça envoie, la roue envoie la carte sur la table super loin, donc ça l'envoie à ton collègue ou à ton coéquipier. C'est bien? Là, je trouve ça un peu dangereux par contre. Là, ça peut être une arme. Parce que oui, là, on pourrait se couper avec une carte. On pourrait se blesser, bref. Ouais. Mais au moins la roue à l'intérieur de l'appareil est en. Ça dit que c'est en foam, en mousse. Donc au moins, si tu mets ton doigt dans la machine sans carte, tu te blesseras pas. Pour ceux tu sais, qui. Au moins, il n'y aura pas de mutilation, c'est pas pire. Ça coûte 30$. 30$ pour ce gadget-là, tu sais. Ouais. Au lieu de distribuer les cartes à la main. Ouais, j'avoue là que. C'est quand même un luxe qui est assez inutile. Mais les riches aiment ça dépenser leur argent sur des vrais gadgets. Ouais, mais ils aiment ça aussi brasser le paquet. Fait. Absolument. Absolument, Kiwan. Les appareils solaires, c'est très populaire de nos jours, même si ça prend beaucoup plus de temps pour charger quelque chose que de l'électricité, brancher quelque chose dans un mur. Ici, c'est une chose pour recharger des batteries. Tu sais, des batteries, c'est pas nécessaire d'avoir les batteries dans la seconde qui suit. Là, c'est pas obligé d'être rapide. Des fois, là, quand t'as une télécommande, tu mets t'as deux paires de batteries pour ta télécommande, mettons. T'es deux, trois batteries de spare, comme on dit en français. Hein, tu les pitches dans le chargeur, puis des fois, ils vont rester pendant une semaine ou deux, tu sais. Pendant que tu te sers de ta vraie de tes télécommandes, puis à un moment donné, ben, tu dois les changer, puis là, c'est les autres qui s'en vont dans le chargeur, puis t'as un cycle de la vie comme ça, Circle of Life, Hakuna Matata. Ouais, c'est sûr qu'il y a certains gadgets dont l'urgence des batteries est plus grande qu'une télécommande. J'avoue qu'une télécommande, au pire, tu te lèves, là, puis... C'est ça. Les boutons, ils sont encore là sur la télé de nos jours. Ça dépend des gadgets, mais bon, supposons pour un outil là, qui n'a pas besoin d'une très grande urgence. Dans mon cas, une drill, peut-être. Bon. J'aurais jamais besoin de batterie pour ça, de toute façon. T'sais. Donc, c'est quoi l'alternative pour charger les batteries? C'est un appareil qui fonctionne avec des piles 2A ou 3A et c'est un chargeur solaire. Donc, tu mets les piles. Tu as un maximum de 3 batteries, ce qui est bizarre parce que la plupart des appareils en prennent soit 2 ou 4. Mais bon. Ouais. Disons 3 batteries, tu mets ça dessus et puis ça les recharge. Ça prend 5 jours environ pour les charger à la lumière. Du jour, là. Avec 2-3 heures de soleil par jour, ça va prendre un petit peu plus que 5 jours environ. C'est quand même rapide, mais souvent avec l'énergie solaire, ce qui est un petit peu plus dommage, c'est que c'est souvent très cher. Hein? Quand on parle de technologie à l'énergie solaire, est-ce que tu as un prix pour ça? Seulement 40$, Kiwan! Ben, c'est très accessible, je suis content, parce que souvent, d'habitude, aussitôt qu'on parle énergie solaire, on parle de coûts assez énormes, mais tu vois, c'est un tout petit appareil. Et ouais, justement, avec 3 batteries seulement, c'est vraiment pas beaucoup, donc j'imagine que c'est pour ça que ça coûte pas cher. C'est pas pour charger sa Prius, là, quand même. Non, surtout pas! Donc voilà, ça vient, c'est un article de Ogizmo. Si vous voulez les informations, c'est sur assemblagerequis.com. Le prochain, tu connais les lecteurs CD sur un ordinateur. Tu sais ce que c'est? C'est pas pour mettre une tasse. Là. Tu sais, c'est la porte là, pour le lecteur CD. Tu connais ça? Oui. Ça va. À la place, pour ceux qui n'ont pas tant de lecteurs CD que ça, mais beaucoup de B pour en mettre sur leur tour d'ordinateur, vous pouvez remplacer un des tiroirs ou plusieurs par des vrais tiroirs physiques pour mettre des gadgets dedans. Ou des porte-tasses. Ou des porte-tasses. J'imagine que tu pourrais trouver une place pour mettre une tasse là-dedans. Oui, c'est vrai. Donc, il y a dans ce tiroir de plastique-là qu'on intègre dans la tour d'un ordinateur en remplacement d'un lecteur CD, il y a une tour à CD. Une vraie tour à CD, tu sais, un petit, comme un spindle, tu sais, juste un petit cercle sur lequel tu peux mettre les CD ou les DVD. Mm-hmm. Puis ça devient comme dans le milieu, comme un bang, là. Uh-huh. Hein? Bref, il y a ça dedans pour en mettre environ 24 CD ou DVD réinscriptibles ou gravables. Et un autre petit compartiment pour peut-être mettre des trombones ou des bonbons ou son dîner. Mais là, je mettrais peut-être pas mon sandwich là-dedans parce qu'un ordinateur, c'est chaud un peu, hein. Mais bon. Bref, ça coûte seulement 10$ sur Clear Gear, Clear avec un K, cleargear.com. 24 CD, un beau petit compartiment pour n'importe quoi, des jujubes. C'est cool. Mais ça, faut que tu installes ça par-dessus ton boîtier déjà existant. Faut que tu enlèves l'ancien. Non, tout ce que tu as à faire, c'est si tu as une baie qui est libre, donc une place pour mettre un lecteur DVD, tu enlèves la petite porte de plastique et tu glisses le tiroir dedans. Puis si tu as un lecteur DVD défectueux, tu le remplaces par un tiroir comme ça. Et puis ça pourrait peut-être te permettre de cacher des choses que tes collègues de bureau ne sauront pas que c'est là. Hein? Non? Il y a même une version qu'on peut barrer, donc c'est vraiment cool pour ça. Wow! En effet, Kiwan. Un concept ce coup-ci, donc c'est pas quelque chose que vous pouvez acheter, donc il n'y aura pas de prix, mais Jeong Sun Park a inventé le Nob Light, d'accord, qui va être apprécié par tous ceux qui se promènent dans la maison la nuit. C'est un remplacement pour une poignée de porte en forme d'ampoule et ça s'illumine. On peut s'entendre que c'est pas une ampoule électrique, là, parce que ça serait chaud pour les mains. Hein? C'est une lumière LED, comme on voit dans les infopubs à la télé. On appuie dessus et puis ça s'allume. Dans ce cas-ci, ça va rester allumé. C'est pas chauffant, c'est ça. Pas de brûlure, Kiwan. Puis c'est vraiment la forme d'une poignée qu'on peut prendre. Ouais, en fait, ça a la forme d'une ampoule, mais ça se prend bien comme poignée aussi, là, puis ça cassera pas dans tes mains. Tu te blesseras pas avec ça, Kiwan. Wow, mais c'est cool, ça. C'est vraiment très utile comme idée. Nouveau concept de Belkin, c'est le Conserve Surge Power Bar, qui a, dans le fond, c'est une power bar pour l'électricité, pour brancher ton ordinateur et d'autres trucs dessus, avec un timer intégré qui va automatiquement couper l'électricité sur 8 des prises après la 11e heure. Donc, l'idée, c'est que les employés vont allumer la power bar le matin en arrivant au travail, et là, ça va démarrer un décompte de 11 heures, et ils se disent que à la fin de 11 heures, en théorie, tout le monde devrait être parti, mais il y a quand même une petite alarme lumineuse qui vient t'avertir près de cette 11e heure-là pour te dire, bon, est-ce que tu veux remettre le délai à plus tard? Et ça coûte seulement 35$ et c'est disponible maintenant. Génial, non? Ça va aider le monde parce que, tu sais, les appareils qui sont en mode stand-by prennent quand même un peu d'électricité. Donc, en éteignant 8 des prises, si tu éteins complètement l'appareil, il n'y a plus aucune électricité qui est dépensée. Et ça, je trouve que c'est très bien. Mais si tu le fermes toi-même aussi, là, tu fermes ton ordinateur, par exemple. Ben non, parce que si tu fermes toi-même ton ordinateur, il y a supposément quand même du courant qui passe dans le fil. Okay. C'est ce que j'ai lu, donc ça va au moins économiser un petit quelque chose, mais au moins ceux qui oublient peut-être de fermer leur truc. Ouais, ils laissent volontairement ouvert toute la vie. C'est exactement ça. Ben, il faut l'allumer par soi-même le matin, donc ça pourrait être compliqué. Il y avait une controverse il y a quelques années de ça, d'employeurs qui voulaient pas payer le temps que leurs employés passaient au bureau alors que l'ordinateur s'allumait. Tu sais, quand t'arrives au travail, il faut que t'allumes ton ordinateur, ça prend peut-être 2-3 minutes. T'sais. Les employeurs, ils voulaient pas payer pour ça, eux autres. Hey, excuse-moi, mais ça fait partie de la job. Si tu veux pas acheter des ordinateurs plus rapides que ça, c'est ton problème. Tu vas me payer pour, tu sais. Non? En tout cas, pour 2-3 minutes. Sinon, l'alternative, c'est quoi? C'est qu'ils payent des gens en sous-traitance pour partir les ordinateurs. En Inde, quelque chose, c'est à distance. Ouais, c'est ça. Et puis, on va terminer avec celui-là. Tiens, pourquoi pas? C'est, bon, premièrement, t'as un cadran à la maison qui va me te réveiller, des fois. Mais le mien, il est vraiment old school. Là. Il date d'à peu près 88, je pense. Il est vraiment... Ben, celui-là, à peu près un design qui date de ces années-là, mais c'est très récent, mais il y a vraiment le look rétro. En fait, tu sais, quand t'es couché, et que tu vois ton cadran, t'as comme développé une deuxième nature. T'es capable de lire l'heure sur le côté maintenant, j'en suis sûr. Oui. En étant couché, tu vois l'heure pareil, tu la comprends. Ici, c'est un cadran qui se met sur le mur. Donc, l'heure est vraiment à 90 degrés. Donc, quand t'es couché dans le lit, tu la vois à l'endroit et t'as pas à essayer de comprendre l'heure à l'envers. Ça coûte 129$, c'est incroyable. Mais peut-être qu'on est tellement habitué de la voir de côté que si on la voyait dans le bon sens, en étant couché, peut-être qu'on aurait de la misère. Faudrait peut-être tourner notre tête ou je sais pas. Il dort un petit temps d'adaptation, je suis sûr. Tu prends vraiment l'habitude. C'était inventé par Greg Wallace et donc 129$, c'est disponible. C'est sur Craziest Gadgets et c'est la fin de la chronique gadget. Mais tu sais, mon réveil est tellement vieux, il est tellement carré que je peux le mettre dans tous les sens, puis il tient sur chacune des faces. Là, il tient, il n'y a vraiment aucune rondeur dessus. Là, c'est un bloc carré. Wow. Il est malade. C'est comme un Transformer. Je l'aime, je suis attaché. Je suis pas capable de m'en défaire. Kiwan, c'est touchant ces histoires-là. Moi, c'est touchant, je trouve ça tellement beau, une histoire d'amour entre un homme et son cadran. Ouais. Ça va faire pour la chronique technologique CNX pour aujourd'hui. T'assure. Mais il y en a une autre lundi. Du lundi au jeudi à 15h20 dans l'assemblage requis et elles sont compressées en un seul et même fichier. Oui, lundi matin à 10h, cnx.zip. .zip. CNX parce que c'est plus cool. cnx.zip. .zip. Voilà. Voilà. Vous êtes toujours à l'assemblage requis jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées. On s'en va entendre un groupe qui fait la couverture de l'Exclaim. Ben oui, il se tape rien de moins que la couverture de l'Exclaim de ce mois-ci là, ou cette période-ci. Ça ne sort pas si régulièrement, l'Exclaim, mais bon. You Say Party, We Say Die, leur album est sorti la semaine dernière, le 29, ben cette semaine, le 29, là, mardi. C'est tout frais, ça. C'est tout frais. Moi, j'appelle ça l'exclamateur. L'exclamation. L'exclamateur. Puis UC Party Suicidaire, moi, je vais les baptiser. Tu dis faire la fête, moi, je dis meurs, non? Et c'est original, Mathieu. Quand même, hein, c'est quasiment une traduction littérale, finalement. On va leur suggérer, peut-être. Ouais. Ça marcherait pas en français, ce nom-là, je pense. C'est un peu méchant. And I don't wanna face the daylight when the morning comes. And I can't make my body rise when the morning comes. And the darkness presses on all sides when the morning comes. I have to fight. Cry my share of tears. Kiwan et Mathieu. Assemblage requis. Mais au moins, on sait que si, on pourra quand ce sera le moment. Mais ça, on le sait. Toujours un moment pour tout dans la vie, Kiwan. On va entendre Elephantine avec un très, très bon morceau. La pièce La Tentative, c'est une pièce longue qui rappelle un peu le style de leur premier album, mais avec quand même une petite mélodie super accrocheuse, un petit air de guitare. Là. Mm. Mais ça a toujours été accrocheur, c'était juste plus ambiant. Là, maintenant, c'est plus, c'est un peu plus pop. Un petit peu prog avant. Tu sais, cette pièce-là n'est pas construite de façon aussi progressive, elle est juste longue, mais ça reste accrocheur quand même. Elephantine qui est dans le palmarès avec une clope, un café en ce moment, et vous pouvez entendre les palmarès C'est fou tous les vendredis soirs de 17h à 20h avec moi-même. Oui, et peut-être des fois moi, mais... J'espère. Demain. Pas demain. Attends, ça crie. Grande rentrée du ballon balai demain. Ouais, c'est sûr. Hein? Le ballon balai passe tellement en haut de moi. Hein? Ouais, mais non, mais là, j'ai déjà été absent la semaine dernière parce que j'étais parti dans le bois. J'ai pas pu aller à ma première partie de ballon balai. Donc, au moins, le ballon balai est pas le premier. Non, les ours, c'est la forêt est en haut de l'île. C'est ça, tu vois, là, t'étais pas le seul que je néglige. Donc, je suis vraiment en dessous du bois et du ballon balai. C'est deux choses. Entre lesquels je figure. Je te trouve un peu susceptible. Un petit peu. C'est de même. Ça. Bref, Kiwan, toi, je te demande une question piège comme ça, OK? T'es prêt pour une question piège? Oui, vas-y. Okay. Est-ce que t'aimerais mieux entendre, mettons, du Jeff Fillion ou du Vidon Ladon la question? Ben, si c'est possible d'avancer un peu les deux, ce serait assez magique, je trouve. Ah, attention, je vais essayer de voir. Vidon Ladon la question. Et si un élève décidait de faire de la radio poubelle en activité parascolaire? Alors, Joseph, toi, t'es en cinquième année. Tu veux faire une émission d'humour. Bon, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Ben, genre, m'a posé des questions drôles au monde, là, des affaires, là. M'a faire des concours, m'a faire passer de la musique, là, des affaires la même. OK, donc, le mercredi, pendant l'heure du dîner, tu vas pouvoir animer ton émission, tant que ça nuit pas tes bonnes notes. Et dès la première émission, on s'aperçut que l'humour du petit Joseph était franchement de mauvais goût. Hey, c'est Joseph, au micro pour toute la recrue, je te vois, ça va bien. OK, hey, demain à café, là, je vous lance un défi full jackass. Celui qui est game de remplir un verre de styromousse à rebord en squeezant du jus de gras de croquettes de poulet de la café, on sait que c'est full dégueu, puis qu'il bouille devant tout le monde, ben toute la semaine, on va essayer de boire à sa place, promis, juré. Joseph. Hey, en tout cas, une chance que les profs sont dans la salle des profs pendant la récré, sinon c'est sûr que je chicanerais Joseph. On devrait aller écouter l'émission Joseph, paraît que c'est drôle. Ben non, voyons, on reste ici, on en profite pour fumer le plus possible pendant que les kids ne nous voient pas. T'as raison. Passe-moi le petit poche-poche flotteur. Et vint le jour où Joseph dépassa franchement les limites de l'acceptable. Maintenant, on va faire jouer une chanson super poche. Et ça a l'air que Océane, la présidente de l'école, elle aime ça, cette chanson-là. Oh, wesh! Gênez-vous pas pour aller lui dire que c'est poche qu'elle écoute. Pis tant qu'elle y est, vous pouvez aussi lui dire qu'elle est conne. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je pense que Océane est devenue présidente de notre école parce qu'elle se pense belle, aussi parce que son père y a de l'argent, pis parce qu'elle a des gros seins pour son âge. Mais niaiseuse! On se laisse là-dessus, la récré a fini bientôt. Ça n'y tente pas! Hey, Joseph, il a pas peur de dire les vraies affaires. Il est malade, Joseph. Joseph est demandé au bureau du directeur. Joseph. Joseph, qu'est-ce qui t'a pris de rabaisser Océane devant tout le monde? Ouais, mais là, c'est des jokes, là, monsieur. Peux-tu bien m'expliquer c'est quoi l'intérêt de faire ces jokes-là? Ben, parce que c'est drôle. Peux-tu m'expliquer ce qu'il y a de drôle là-dedans? Ben, c'est drôle. C'est drôle, là, c'est tout, là. C'est, me semble que c'est assez. Allô, Joseph? T'as passé une bonne journée? Non, j'ai plus le droit de faire mon émission. J'ai le goût de tout lâcher. Ben, justement, là, ton directeur, il vient de m'appeler puis il m'a tout raconté. Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire ce que t'as dit sur Océane ou la berge? Maman, me capote pas! Attends, là, c'est grave ce que t'as fait. On appelle ça une atteinte à la réputation. Oh, mais maman, c'était drôle. Je t'ai pas élevé comme ça, mon grand. Va dans ta chambre! Oh, y a personne qui comprend rien de ma démarche artistique. J'aimerais ça, moi, de pouvoir dire toutes les affaires que je veux dire. Comme lui, mon héros. Le gros pilon. Hey, salut la gang! C'est le gros pilon qui vous parle au micro. Puis aujourd'hui au show, ben, on fait un concours de wet bobette avec des nains. Ça va être écœurant. Hein? Après ça, ben, on parle avec la mairesse de Randune. On lui fait dire des choses cochonnes, comme à toutes les semaines. Pourquoi le gros pilon? émission, il a le droit de dire ça, puis moi, j'ai pas le droit. Tout le monde aimait ça, mon émission. Mais qui est donc à blâmer dans cette malheureuse situation? Est-ce le petit Joseph, les parents du petit Joseph, l'école, le gros pilon ou la société? Personne se demande là-dedans si Océane avait ses torts, elle aussi. Ouais, c'est peut-être qu'elle n'a pas fait des... En tout cas, hein? Commencera pas à s'acharner sur Océane. Là. Hey, c'est drôle comment qu'il demande juste Joseph au niveau. Ouais. Joseph, comme il dit. Demandez au bureau du directeur, Joseph. Ben, c'est sûr qu'il doit pas avoir beaucoup de doubles. Peut-être, hein, je sais pas, Joseph, ça revient à mode. Les petits Joe. Petit Joe connaissant. Bref, c'est une de mes capsules préférées de Vidon Ladon la question. Les gars, c'est Mathieu Saint-Onge, Jean-Luc Archambault, vidonladon.com. Et pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui sont des fans invétérés de Vidon Ladon la question depuis toujours, assez fou, ils vont être à l'émission de Matin de Frac, les Jam Débiles, le championnat de Jam Débiles Matin de Frac. C'est le samedi à minuit. Les gars de Vidon Ladon chantent la chanson Tout le monde aime Xavier Dolan, leur hit de l'été. Il la chante en direct à l'émission. Est-ce que c'est l'émission de cette semaine, de samedi, qui s'en vient? Celui qui s'en vient juste là. C'est celui dont on a entendu des extraits dans le Dîner de cons ce midi. Exactement. C'est celui où les gars de Vidon Ladon la question parlent de Mathieu Plante et de C'est fou à Trois-Rivières. Ils parlent de moi en bien, en tout cas, c'est gentil. Mais disons que C'est fou adore Vidon Ladon. Vidon Ladon adore C'est fou et c'est une belle coopération. C'est nos amis pour le restant de l'éternité. Une belle relation. Oh, on les aime donc. Tantôt, ça me tente d'entendre Tout le monde aime Xavier Dolan. Je pense qu'on va la faire. Ah, jouer. Peut-être, ça serait cool aussi. On va s'essayer. Mais avant ça, on va entendre une pièce qui est en fait d'un groupe qui vient du palmarès de C'est fou, mais pas la pièce du palmarès, une autre. Oui, on va aller écouter Vanesse Parietaire avec la pièce Le jour, la nuit et manquez pas l'émission Assemblage requis lundi prochain parce que Vanesse Parietaire vont être ici avec nous. Ça va être délicieux. Ça va être toute qu'une émission, je pense. Ça va être notre meilleure jusqu'à maintenant. C'est sûr. Toujours la meilleure. À chaque jour, c'est la meilleure émission. C'est sûr, mais si Vanesse sont là en plus, ça va mettre la barre haute pour nous autres. Voilà, le mardi va être off. Ça va être off. Mais ça va être très, très hot, yo. Comme on dit. Vous êtes Assemblage requis. Merci encore. Je m'en... Voici le jeune réalisateur dont tout le monde parle actuellement, Xavier Dolan. Xavier Dolan, de ta son nom, j'ai le mot d'Adi, le mot là, mais les mots d'Adi, les mots là. Non, Xavier Dolan, c'est tout ce qu'il y a en droit. Mais c'est Xavier Dolan, mais tu portes pas de petit collin. Quand la moule est sur de là, et ta tête de corps plus large, je pense beaucoup de pécule là. Mais il est tellement appris, on a Xavier Dolan, tellement talent. Tout le monde aime Xavier Dolan. Oui, oui, Xavier Dolan. Quel bon nom, ce Xavier Dolan. Oui, mais c'est Dolan. Parce que Dolan et Dolan et Dolan. Bon, Dolan. C'est plutôt Dolan. Oui, ça a l'air de la Dolan. Mais Dolan, non, il y a une connotation. Merci beaucoup, Xavier Dolan. Merci. Dolan. Vidon la dans la question. On comprend rien du tout du début à la fin, mais c'était tout le monde aime Xavier Dolan de Vidon la dans la question. Quand on est attentif, on peut quand même comprendre un peu les paroles, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre dans cet hymne à Xavier Dolan? C'est des grosses jokes avec des mots qui riment en Anne puis ouais, des trucs comme ça. En passant, vous pouvez aller rechercher ou voir ou lire les paroles de la chanson sur le MySpace du groupe. C'est myspace.com/vidonladon la question. Et puis sinon, vous pouvez écouter le championnat du Jam Débile de Matt and Frag qui aura lieu ce samedi à minuit. Donc, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis, les gars de Vidon à la question sont les invités de Battant de Frac et font une version en direct de Tout le monde aime Xavier Dolan. Ouais, si jamais vous êtes des couches tôt et ça vous tente pas de veiller jusqu'à minuit samedi, vous pouvez aller au www.frac.qc.ca puis vous pouvez trouver l'émission là-dessus sur le site de Battant de Frac. Une balado d'iFusion. Exactement. C'est le mot en anglais. C'est ça. Bref, vidonladon.com pour les gars de vidonladon la question. Voilà. Vous êtes à Assemblage Requis et nous, ben, c'est déjà la fin de la première heure. Oui, on va faire une petite pause, mais dans la deuxième heure, il va y avoir entre autres Maxime Lemieux Laramé et aussi de la musique de Au Bijou. Assemblage Requis, restez là! Toujours Assemblage Requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. C'est juste pour toi, Kiwan, la liberté. Mais non, c'est pour tout le monde. Et pour moi, Mathieu Plante? Ben oui. Oh my God, Lynn, c'est le fun, c'est pour tout le monde. Assemblage Requis jusqu'à 17h. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième heure, Kiwan? Ben tantôt, là, dans une vingtaine de minutes, je dirais, Maxime Lemieux Laramé va venir nous parler, entre autres, du nouvel album de Xavier Caffine, de celui de We Are Wolves et aussi Dirty Projectors. Exactement, donc tu manquais pas ça, c'est dans une vingtaine de minutes environ. Mais pour l'instant, on va s'en aller en musique avec le groupe Au Bijou, qui est à la deuxième position du palmarès anglophone de C'est Fou, mais qui est aussi, leur album est en deuxième position du palmarès Earshot Magazine. Ça, c'est toutes les radios universitaires qui compilent leur palmarès à travers le Canada. C'est beaucoup gros. Uh-huh. Mm-hmm. C'est très hot, Au Bijou. It's very, very hot. On va écouter la pièce Intro to Season du Au Bijou. Vous êtes à Assemblage Requis au 89.1 FM. Pour vos oreilles. discovered all I've got to do. Rara Riot et la pièce Run My Mouth à son large requis. Oui, exactement. Rien de plus, hein? Rien de plus. Leur album s'appelle The Rumb Line. Vous êtes à son large requis jusqu'à 17h avant de recevoir notre bon ami Maxime Lemieux-Laramé. On écoute du Ariel. Oui, on va aller écouter une pièce de Ariel. Ariel qui sont, tu savais sûrement, les gagnants de la dernière édition du concours des Francouvertes. Oui. Et le concours des Francouvertes sont présentement en période d'inscription. Si vous avez un groupe francophone, c'est le seul critère hein, pour se lancer dans l'aventure des Francouvertes. Vous devez chanter en français, que ce soit vos propres compositions. Donc, faut chanter tout le temps en français ou on peut se permettre une pièce en anglais? Je sais pas si c'est sûr que dans ta carrière, tu peux faire d'autres choses, mais les pièces que tu vas présenter au concours doivent être uniquement en français. Et c'est ça, c'est jusqu'au 23 novembre les inscriptions, donc quand même encore un petit peu de temps, mais c'est commencé. Donc allez faire un tour sur le www.francouverte.com pour avoir tous les détails. Donc on s'en va les entendre, Ariel et le morceau Mephisto à Mephisto. Et après ça, ce sera le bloc Télécharge Quoi de Maxime Lemieux-Laramé avec Caffeine, Dirty Projectors et We Are Wolves. Beaucoup de choses à Assemblage Rocky. We'll be right back. sorcière, l'étrange errant, cherche à refuge chez l'homme. Non, je n'ai rien de vos enfants, mais laissez-moi faire semblant. Oh, à toute la naïveté du ciel. Ariel et la pièce Méfie-toi, Méphisto, assemblage requis. Et maintenant, c'est le moment de recevoir Maxime Lemieux-Laramé et sa chronique Télécharge quoi? Bonjour Maxime. Salut. J'attends vraiment trop longtemps. Hein? Non, c'est correct. Je... quand? Maintenant à là. Je voulais vous remercier pour les nouvelles chaises. Ça me fait plaisir. Non, je prendrai pas le crédit pour ça. Vraiment, c'est un plaisir. Ouais. C'est la direction de C'est fou qu'on remercie énormément. C'est super comme ça. Écoutez, j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous faire entendre aujourd'hui. Je voulais commencer peut-être en vous parlant les spectacles que j'ai vus la semaine passée. Oui, c'est vrai, t'es allé voir. J'étais allé voir Patrick Watson, j'étais allé voir Yann Perrault, puis j'ai vu DJ Champion aussi au stade de baseball. Ah oui? Ouais, j'étais allé là finalement aussi samedi. Patrick Watson, j'ai vraiment adoré. Écoutez. J'en reviens même pas encore qu'il soit venu à Shawinigan, honnêtement. Là, c'est du calibre international, ouais. Ça. Puis c'était vraiment le fun. Est-ce qu'il y avait du monde, au moins? Oui, il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait à peu près 300 personnes. Okay. Et puis le lendemain, pour Yann Perrault, il y avait à peu près 200 personnes. Moins de monde pour Yann Perrault que pour... Moins de monde pour Yann Perrault que pour Patrick Watson. Yann Perrault aussi, c'était bien, mais j'ai remarqué que c'était un... C'était un séducteur, hein. Il y avait pas mal de plus de filles de mon âge que de garçons, là. Je suis pas tombé sous le charme, mais j'ai adoré la musique. J'ai vraiment trippé. Il y a même une pièce que je vous suggérerais. En tout cas, je vous en parlerai. Il ouvre son spectacle avec cette pièce-là. Je pense que c'est la 3 du CD. En tout cas, je vous en reparle tantôt. Et c'est incroyable. Ça monte tout un pic pour commencer le spectacle. Champion, je sais pas trop quoi en dire parce que c'était quand même dans un stade de baseball. Tout le monde est parti après le Cirque du Soleil. Fait qu'il restait juste peut-être toi. Quelques étudiants. C'est dommage, mais je me doutais pas pantoute. Tout le monde disait tu vas voir après le Cirque du Soleil, tout le monde va partir. Puis c'était fou. Tout le monde est parti. Là. Tout le monde. Là. Ça s'est vidé. Mais familial un peu aussi. Ouais, c'était pas mal familial, c'est ça. Fait que, mais il était rendu quelle heure environ Je pense que ça a commencé vers 11h, je dirais. Ah, c'est quand même tard. Pas le samedi. C'est ça. Ouais. Le lendemain, c'est le soccer, puis il faut faire les sandwichs au jambon. C'était pas le même public entre le cirque et champion, j'avoue. Mais en tout cas, c'était bien le fun. Puis la salle là, à Shawinigan, au Centre des Arts, c'est super. Là. Honnêtement, c'est une très belle salle. Est hallucinant. Ouais, c'est très bon. Puis il faut aller voir. Je sais qu'il y a peut-être que c'est passé. En tout cas, je pense que c'est ce soir ou demain, Ariane Moffat. Il va y avoir Damien Robitaille. Samedi, Ariane Moffat. Ouais. Il va y avoir Damien Robitaille aussi, Marie-Pierre Arthur. Alors, faut aller voir la programmation. Puis ce qui est pas pire en plus dans cette salle-là, c'est qu'il y a deux configurations possibles. Il y a une formule cabaret sur la scène pour les spectacles où il y a moins de monde. C'est ça. plus intime, puis le son est aussi bon. Ouais, je suis jamais allé dans les spectacles cabaret, mais j'en ai entendu parler, ça doit être quand même spécial. Ouais. Alors, est-ce qu'on parle tout de suite des choses que je veux discuter côté musique? Oui, faufile-toi du contenu comme ça. Alors, c'est ça. Sans le demander. Kiwan et Mathieu, vous avez parlé du nouveau Xavier Caféine mardi de cette semaine. Ben, tout le monde en parle. Ben, hein, c'est ça. Moi aussi, je l'attendais de pied ferme. J'avais vraiment hâte. J'ai adoré Gisèle. J'ai adoré les spectacles que j'ai vus de Xavier Caféine. Puis, je suis vraiment pas déçu avec Bushido. J'écoute surtout les 5 premières chansons. Je sais pas pour toi, Kiwan. J'ai pas encore acheté l'album au complet. Donc, j'ai fait quelques achats à la pièce. À la pièce, ouais. Sur Internet. Mais moi, en tout cas, j'écoute vraiment les 5 premières chansons. La pièce que t'as fait jouer, c'était quoi? Je sais que c'était la 4. Les bons et les méchants. Les bons et les méchants. Ouais. Il y a aussi le métro. Mmh. Il y a aussi la pièce avec la pièce qui commence l'album qui s'appelle La vie est belle. Mais moi j'ai choisi Vive la mort et je trouvais ça vraiment cool qu'il commence son album avec La vie est belle et que la deuxième chanson ça soit Vive la mort. Alors j'ai choisi Vive la mort parce que je suis quand même quelqu'un de qui aime pas la vie. Ouais, c'est ça, je déteste la vie. Alors on va aller écouter Vive la mort de Xavier Caféine tout de suite. À Assemblage Rock. Yes. Alors, c'était Vive la mort. Vive la mort, hein? Yep, pédou. De Xavier Caffin, de son plus récent album Bushido, qui sortait mardi dernier. Alors, c'est ça, j'ai bien aimé Xavier Caffin. Son album, là, je l'écoute beaucoup. Alors, je vous le conseille, chers auditeurs. C'est toujours dans le bloc Télécharge quoi de Maxime Lemulin-Ramé qui nous fait des suggestions musicales à écouter, télécharger, visionner, si vous avez un radio qui a de l'image dessus. Ouais, c'est ça. Mais en fait, visionner, je trouve que c'est drôle que tu en parles parce que justement, je voulais en parler, bon, peut-être avec l'autre artiste plus tard que je vais vous présenter, mais sur le site de Bande à part, il y a les sessions Bande à part, mm-hmm. Et il y a une session avec Xavier Caffeine, et aujourd'hui, ils ont ajouté une session avec We Are Wolves, l'artiste dont je vais vous parler, bon, après celui-ci. Après cette parenthèse. Mais c'est ça, allez voir les. C'est le fun. Puis même le site de Bande à part est super intéressant. Mais les sessions, ouais. C'est vraiment cool. Ouais, je pense qu'il y a toujours un VJ, ça se peut-tu, qui fait de la projection pendant les sessions. C'est ça, ou peut-être je me trompe d'événement. Okay. Je sais pas. Ben, en tout cas, pas dans les deux derniers que j'ai vus. Je me trompe carrément de. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est ça, je vais vous parler d'un groupe que j'adore qui vient de New York. Ça s'appelle Dirty Projectors. C'est vraiment dans la vague indie rock électro-expérimentale. J'en parle aussi parce qu'il va y avoir un maxi qui sort sous peu. Et ils vont être le 15 novembre au National, qui est une super salle à Montréal. Alors, c'est ça, Dirty Projectors, qui vient de New York. T'sais, dans la vague new-yorkaise, il y a beaucoup d'artistes de New York que j'écoute ces temps-ci. Quand je pense à Beirut, MGMT... pas mal d'autres comme ça que j'oublie. Mais New York, c'est ça, c'est rendu là, pas mal. Tu sais, il y a New York, Montréal, là, ces temps-ci. Avant, il y avait Seattle, là, si on se souvient, mais là, c'est pas mal à New York. Alors, on écoute ça tout de suite. Okay. Ça s'appelle... c'est Dirty Projectors. C'est de leur album Bit Orca et la pièce s'appelle Cannibal Resource. Écoutez ça. Vous êtes à l'assemblage requis jusqu'à 17h. Looks alive and waiting. C'était Cannibal Resource de Dirty Projectors de leur album Bite Orca. Bite Orca. Bite Orca. C'est dans le bloc Télécharge quoi de Maxime Lemieux-Laramé qui nous fait quelques suggestions musicales. Ouais, et on continue avec Werewolves. Werewolves. Hein? Mm-hmm. Ben oui, c'est ça. On en discutait. Alors, Werewolves, la semaine prochaine, mardi, le 6 octobre, sortent leur troisième album long. Alors, qui va s'intituler « Invisible violence » et qu'il faut dire en français, à ce qu'il paraît. Ah oui? Oui. Ah, ah. Il insiste sur le fait qu'on le dise en français. Ben, ils font ça, il me semble, souvent, eux autres, magic, puis là, tu sais, il fait ouais, total magique. Mmh. Total magique. Ouais. Total pis, magic. Ben, ça, comme je le disais quand on parlait... Hors onde. Micro fermé. Off the record. C'est ça, j'ai comme lu pas mal d'articles, j'ai vu pas mal d'entrevues. Puis il disait que, bon, ben, tu sais, c'est souvent en anglais, We Are Wolves, même le nom du groupe est en anglais. Sauf que pour eux, la langue utilisée, là, ça veut rien dire. Je suis allé voir, comme je le disais tantôt, leur session sur Bande à part et j'ai entendu une pièce de leur plus récente, le prochain album, qui est en français. La pièce qu'on va aller écouter, Paloma. Paloma, ça doit être en espagnol, ça, mais en tout cas, je sais qu'il parle en espagnol. Ouais, c'est ça. Je pense que lui, le chanteur est d'origine espagnole, je crois. Ouais, ben sud-américaine, là, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, tout de l'Espagne, là, mais bon, ouais, de langue espagnole. Ouais. Je pense que le groupe, eux, parle toujours en français entre ouais, eux autres. Ouais, les deux autres, en tout cas, ils ont des noms québécois. C'est mais, ça. Est-ce que je me trompe en disant que le premier album, il me semble que c'est écrit Nous sommes loups en quelque part sur l'album. Je pense que même sur MySpace, leur adresse, ça se peut-tu que ça soit Nous sommes loups? Je me trompe-tu? En tout cas, peu importe. On va commencer à les appeler comme ça. Ben, Nous sommes loups, hein. Puis même, le premier album s'appelait Non-Stop, Je te plie en deux. C'est vrai. Ouais. Alors, c'est très, très francophone. Mais tout ça pour dire qu'ils seront à Trois-Rivières au Café Nord-Ouest. C'est un jeudi 5 novembre prochain. Alors, dans un mois, notez ça à l'agenda, pour promouvoir le nouvel album qu'on va aller entendre d'ici peu. Mais aussi, j'en ai parlé, hein, de Parler. Oui, c'est un groupe qu'on aime beaucoup. Qu'on adore, Parler. Ils risquent, alors fort probablement, vont faire la première partie de We Are Wolves. Parce qu'ils font plusieurs spectacles ensemble. Ben, c'est ça, ils font plusieurs spectacles ensemble. Ils font comme la petite tournée que We Are Wolves fait au Québec. Sauf qu'ils n'étaient pas à Trois-Rivières. Et je me suis informé et c'est en train de se faire, de se confirmer. Alors, on suit ça. Alors, le 5 novembre prochain. Mais là, on va aller écouter une pièce qui s'appelle Paloma. Si vous voulez en entendre plus... sur le prochain album, allez voir sur Bande à part, il y a une session avec 5 ou 6 pièces, mais pour l'instant on écoute Paloma de We Are Wolves. Ah, assemblage requis dans le bloc. Télécharge quoi? Looking at the clouds if I see you. C'était Paloma de We Are Wolves, du prochain album qui sort mardi, intitulé Invisible Violence. Mais je suis sûr que tu vas en reparler, hein, Kiwan, mardi prochain? C'est sûr et certain. Yes! Fait que c'est pas mal ça pour moi. Je vais aller préparer mon sofa pour écouter la game de hockey à soir. Ben oui! Ah. Hein, Mathieu? Mathieu, t'es assez content. Moi, ça, tu vois, mes yeux allument tout de suite quand tu me dis ça. Hein, c'est vraiment... Moi, j'ai rebranché le câble aujourd'hui pour pouvoir écouter le hockey sérieux? À soir. Félicitations! Merci! Ah, c'est cool. Ben, c'est ça. Fait que je vous revois la semaine prochaine, les gars. Je vous laisse tout faire ce que vous avez à faire. Cool, merci. Max. Ah, c'est ça. Hey, la semaine prochaine, j'en parle tout de suite. La semaine prochaine, c'est sûr et certain que je vous parle d'un artiste que j'ai super hâte que son album sorte. Julian Casablancas, un ancien de The Strokes, qui part en solo. Alors, je vous en reparle la semaine prochaine, promis juré. Parfait. D'ici là, attention à vous. Certainement. OK, sérieusement, je pars sans dire de niaiserie. S'il te plaît, va-t'en. Ouais. Ciao. Merci, Maxime Lemulaire-Amé, sa chronique télécharge quoi. Toujours le mot juste, hein, Maxime? Toujours. Attends, à pile poil sur la pile de poil, finalement. Oui. Donne-y pas la chance de revenir. Non, là. C'est ça. Je vais fermer son micro avant qu'il revienne. On le retrouve jeudi prochain à 16h20. Exact. Nous, on s'en va entendre une pièce de Yann Perrault avant d'aller en pub. Oui, parfait. On va écouter Yann Perrault, la pièce qui commence son spectacle que Maxime a beaucoup aimé, d'ailleurs. Je vais te le dire. Après, je vais même pas ouvrir son micro. Le plus beau rêve. Donc voilà, c'est une très bonne pièce. Tu peux essayer de parler dedans, mais ça marchera pas. Essaye, toi. Crie assez fort, puis on va peut-être t'entendre. Ouais! Hey! Vous êtes à Sorlège Rocky. Sur C'est Fou, 89 FM. Jusqu'à 17h. Tu as la pureté d'une enfant et la dureté d'une reine. Je suis né en t'embrassant, zèbre perdu dans les plaines. Tu m'as vendu le plus beau rêve sans que je ne te demande le prix. Tu m'as vendu sans que je ne te demande le prix. Ça sonne à la porte, mais je ne réponds pas. Je reste fixé à ton sein, océan de vibrations. Tu m'as vendu le plus beau rêve sans que je ne te demande le prix. Tu m'as vendu le plus beau rêve sans que je ne te demande le prix. Tu m'as vendu le plus beau rêve sans que je ne te demande le prix. Ton sein, ah, ah, ah. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner maintenant et toujours. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner maintenant et toujours. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner maintenant et toujours. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner maintenant et toujours. Océan de vibrations dans lesquelles je veux me baigner. Le plus beau rêve. Le plus beau rêve. We'll be right back. 88-903-5969. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89-1. Age of selection, and only one result has trickled in. The house wins. Oh, the house always wins. If evil were a lesser breed than justice, after all these years, the righteous would have freed the world of sin. The house wins. C'est une groupie. C'est une groupie qui one. T'es comme une groupie. C'est ça qu'il faut que tu réalises. On en est tous. On en est tous. On est tous la groupie de quelqu'un. Et le groupie de quelqu'un. On vient d'entendre OK Go, un groupe qui fait pas juste des clips. Hein. Ça a l'air, il fait de la musique aussi, même si ses clips vont plus parler. Absolument. Tout le monde sur YouTube se partage des clips de OK Go depuis des années, mais ils font de la très, très, très, très bonne musique. C'était oui. The House Winds. Exactement. Et avant ça, on avait entendu des Might Be Giants avec une pièce qui s'appelle I'm Sick of This American Life, qui est extrait d'un genre de B-sides. Oui, une compilation de rareté. Très, très court album. Là, ils ont mis plein de chansons thèmes, d'émissions de radio, de télé, de pubs qu'ils ont fait. Des trucs qui peuvent se permettre de sortir sur un B-side parce qu'il y a beaucoup de fans de des Might Be Giants dans l'underground. Des fans qui en redemandent encore. Une deuxième portion de Might Be Giants. C'est la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui, pour la semaine. Cette semaine aussi. Une grosse semaine très chargée. On remercie tous nos chroniqueurs. On pense à François Landry, à Simon Fitzbé, à Émilie Gauthier, Sébastien Dulude et Maxime Lemulerami. Et voilà. Je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour. T'en as pas oublié. J'ai tout eu. On remercie Valès Parietaire. Oui, pour leur excellent thème musicaux. Et on va les voir samedi. En tout cas, moi, je vais les voir samedi à Québec. Puis sinon, ben, ils vont être ici, chez nous, dans notre studio lundi prochain à Assemblage Requis. Yay, on est tellement contents, mais on les remercie pour leur chanson thème et tout ce qui emballe l'émission. Merci Danny Janvier à la production sonore, toute l'équipe de C'est Fou, vous d'avoir écouté. Kiwan, t'es pas là demain au palmarès, toi? Hein? Non, je serai pas là au palmarès, mais toi, tu vas être là, tu vas animer les palmarès de 17 à 20 heures demain. Pour le condenser de la meilleure musique de C'est Fou, allez voir assemblagerequis.com pour la balado-diffusion et tous les liens et les pièces de l'émission d'aujourd'hui. Et bonne fête de semaine, Kiwan. Les pains bêches en mission s'en viennent. Oui, et puis la soirée continue, Colin, il faut le dire aussi. Après les pains bêches, il y a la spirale avec du indie rock. Il y a la finale du garage ce soir, c'est leur dernière émission pour du punk et hardcore. Et puis Sky Punka suivra à 21h. On se laisse avec Flight of the Conchords. la pièce Kiss is not a contract. Bye, bonne fin de semaine. Bye. A kiss is not a contract, but it's very nice. It's very nice. Just because you've been exploring my mouth doesn't mean you get to take an expedition for the south, no. A kiss is not a contract, but it's very nice. It's very, very nice. Just because we've been playing tonsil hockey doesn't mean you get to score the goal that's in my jockeys. Just because I'm in a two-man novelty band doesn't mean it's all about Boomtang. I can't go around loving everyone. I just wouldn't get anything done. You could take me out to dinner, that might be quite nice. You could buy me a burrito and some beans and rice, but that won't get you into fans' paradise. They call it a fire because it takes you up to heaven, oh, oh. A kiss is not a contract, but it's very nice. It's very, very nice. I'm only one man, baby, pretty baby. We're only two men, ladies. Babies, pretty babies.